10. Maladie du charbon, les États-Unis menacent de copier. Lu par François Schnell. Maladie du charbon, les États-Unis menacent de copier. Octobre 2001, à peine un mois après la destruction des tours jumelles du World Trade Center, les États-Unis sont en pleine psychose bioterroriste après la découverte de l'être empoisonné au Bacillus anthracis, une bactérie responsable de la maladie du charbon, souvent mortelle. L'un des rares médicaments contre cette maladie respiratoire est la ciprofloxacine, fabriquée par le groupe pharmaceutique Bayer. Le gouvernement craint la rupture de stock. À la frontière mexicaine, où la cipro est vendue moins cher, les pharmacies sont prises d'assaut par les transfrontaliers américains. L'administration Bush songe à acheter des millions de doses pour prévenir une éventuelle attaque massive, mais elle bute sur le brevet de la firme allemande. Aux États-Unis, la cipro est alors protégée jusqu'en décembre 2003. Conséquence ? Cela donne le pouvoir à Bayer de décider du prix et de consentir ou non à en accorder la fabrication. On est au cœur du système de la propriété intellectuelle. Bayer n'entend lâcher qu'une très faible ristourne en proposant d'approvisionner les États-Unis pour $1,75 la tablette, $210 le traitement complet, bien trop cher pour le budget américain. Pourtant, d'autres laboratoires peuvent fabriquer une copie conforme de la Cipro, telle la société Bayer Laboratories, producteur spécialisé de médicaments dits génériques, comme l'indien Cipla ou le canadien Apotex, qui commercialise des versions identiques de molécules originales à des prix bien inférieurs une fois le brevet éteint. Bayer Laboratories, qui se sont préparés à la fin de l'exclusivité de Bayer en décembre 2003, assurent pouvoir d'ores et déjà lancer la production. Pour le gouvernement américain, l'affaire est délicate, car poussée par la puissante industrie pharmaceutique, il s'oppose systématiquement dans les négociations internationales à toute entorse au droit des brevets, même dans le cas des pays pauvres ravagés par l'épidémie du sida. Sous la pression, le secrétaire d'État à la santé, Tommy Thompson, sort la seule arme dont il dispose, la licence obligatoire, et menace Bayer d'accorder à Bayer l'autorisation de copier la Cipro avant l'expiration du brevet. Craignant de perdre définitivement le marché, Bayer plie face aux exigences du gouvernement américain et accepte de vendre 100 millions de tablettes à 95 cents pièce, soit presque deux fois moins cher que le prix initial. Le droit des brevets, comme le droit d'auteur, est criblé d'exceptions. En France, toute utilisation d'une invention protégée dans un cadre privé, non commercial ou à des fins expérimentales est légale. Partout dans le monde, les États se sont dotés de législations les autorisant à édicter une licence obligatoire dans certains cas, urgence sanitaire, intérêt national ou pratique anticoncurrentielle. La licence classique respecte l'épure du monopole accordé à une firme sur son invention. Pendant 20 ans, le titulaire du titre de propriété peut faire ce qu'il veut de son invention, et notamment concéder sa production ou son exploitation à des tiers sous forme de licence. Mais selon ses propres termes, il choisit lui-même ses licenciés et leur impose ses conditions et son prix. La licence obligatoire, parfois baptisée licence d'office, est un moyen pour les États de limiter ce pouvoir exorbitant. Beaucoup de pays en usent régulièrement, et surtout dans les domaines sensibles. Le gouvernement français peut ainsi, je cite le Code de la propriété intellectuelle, obtenir d'office, à tout moment, pour les besoins de la défense nationale, une licence pour l'exploitation d'une invention. Fin de citation. En contrepartie de ces licences forcées, l'inventeur reçoit une compensation financière variable. donnant un pouvoir très fort à son titulaire. Un brevet peut se transformer en arme anticoncurrentielle. La licence obligatoire est alors le seul moyen de déverrouiller un marché bloqué par un acteur. L'un des exemples les plus fameux est celui de l'inventeur de la photocopieuse, l'américain Xerox, dont la première machine a été mise sur le marché en 1959. Au milieu des années 70, Xerox possédait près de 2000 brevets sur sa technologie et en ajoutait une centaine supplémentaire par an. Pour les concurrents, il était impossible de fabriquer un photocopieur sans empiéter sur au moins l'un de ses brevets. C'est l'autorité américaine de la concurrence, la Federal Trade Commission, qui va mettre un terme à cette situation en 1975 en promulguant une licence obligatoire sur, je cite, « ce portefeuille de brevets assassins ». Il était temps de casser ce monopole et de créer la concurrence. Il aurait été très difficile au marché d'y parvenir sans notre décision, raconte le chef économiste de la FTC de l'époque, Michael Scherer. Le brevet est un monopole. Il en a donc les défauts. Son titulaire peut s'en servir pour abuser de sa position ou fixer des prix trop élevés sans aucun rapport avec les coûts engagés, ni en production, ni en recherche et développement. La licence obligatoire devient l'un des leviers pour limiter les abus. Contrairement à ce que tentent de faire croire certains serial breveteurs, elle n'affaiblit pas la propriété intellectuelle, elle en est partie intégrante. Tout comme la durée limitée dans le temps du brevet et du copyright, tout comme les exceptions au droit d'auteur, la licence obligatoire est nécessaire à un régime équilibré de droit sur la connaissance ou la culture, un mécanisme indispensable pour s'assurer que la propriété intellectuelle n'empiète sur d'autres droits, de la santé à l'accès à l'information, de la sécurité nationale à la concurrence.